cours numéro 10. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل بإذن الله جل وعلا في دروسنا دونك اون كونتينيو ولله الحمد والمنة نو دروس اوجوردي ولله الحمد ليتود de la رسالة de Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه الأصول من علم الأصول dans les fondements du fiqh. Et dans le dernier dars on avait fini la première partie de An-Nahi et on avait détaillé qalilan ma yata'allaq bi qawl ahli al-'ilm an-nahi yaqtadi al-fasad. Et on avait lu ensemble wallahi alhamd la parole de al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah wa istafadna wa alhamdulillah. Et aujourd'hui on essaye de finir hadha al-bab al-muhim an-nahi. قال المؤلف رحمه الله من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي بل on avait fini ma yata'allaq bil nahi et la dernière partie ça englobe الأمر والنهي. الأمر c'est l'ordre كما تقدم والنهي c'est l'inverse أي ne pas faire. Et on avait dit أن الأصل في الأمر c'est الوجوب c'est l'obligation ou al-fawriya est de faire directement cet ordre hadha al-asl et il y a des exceptions qu'on avait vu ensemble ou al-asl fi an-nahy on avait dit c'était at-tahrim c'est l'interdiction et bien sûr il y a des exceptions. Après avoir détaillé ma yata'allaq bil amr wa an-nahy al-mu'allif rahimahullah il a cité hadhihi al-mas'ala al-muhimma man يدخل في الخطاب بالأمر والنهي أي qui c'est qui est concerné par هذه الأوامر والنواهي qui sont cités في القرآن والسنة. Et il a cité deux points تحت هذا الباب ما يتعلق بالسن أي par rapport à l'âge. On verra qu'il y a une différence entre l'adulte et autre que l'adulte. ثم il a cité un deuxième point. Est-ce que l'amr ou al-nahi s'englobe al-kuffar ou c'est réservé que pour le muslimin? Le premier point, qala alladhi yadkhul fi al-khitab bil amri wa an-nahi huwa al-mukallaf wa huwa al-baligh al-aqil. Al-baligh al-aqil. Deux choses. Et ces deux choses, c'est l'explication du mukallaf. Al-mukallaf, ça vient du mot taklif. Al-mukallaf, il doit appliquer les ordres et s'écarter des interdits. C'est qui al-mukallaf? C'est al-baligh al-aql. Al-baligh ça vient du mot al-bulugh ou al-aql ça vient du mot al-aql. Qala fa kharaja bi qawlina al-baligh as-saghir. Fa kharaja bi qawlina al-baligh as-saghir. Donc vous avez remarqué que hada c'est par rapport à l'âge. Le petit as-saghir, il n'est pas concerné par les ordres. Aïe, il n'est pas obligé de les faire. Et s'il fait une interdiction, il n'est pas pris en compte. Aïe, il n'a pas de péché. Contrairement à autre que sarir. Et on n'a pas traduit as-sarir muta'ammidan. Léanna, pour comprendre هذه المسألة, tu dois savoir c'est quoi al-bulugh. C'est quoi al-bulugh? Ils traduisent par la puberté. Si tu as compris à quel moment l'enfant il devient pubère et il atteint l'âge du boulour et il devient baligh, fafi dinina il est considéré comme l'adulte. Même si ce n'est pas encore un adulte dans beaucoup de choses, lakin fi hadhihi al-masa'il al-'azima, les obligations, مثلا, il doit faire salat, il doit faire siyam, etc. Et كذلك les interdictions, il doit s'écarter des interdictions et s'il commet un interdit, il a commis des péchés, Voilà, ça revient à cette question importante, connaître cette limite. Quand est-ce que l'enfant il devient pubère? Et on peut lire Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi al-Sharh al-Mumti', il a cité al-Hadd. Et quand est-ce que cet enfant il devient pubère? Qala rahimahullah, wal-bulugh yahsul bi wahidin min thalatha. Ça c'est pour le garçon. Et on verra que pour les filles c'est la même chose, sauf qu'il y a une chose en plus. Et t'amal qawlahu rahmatullah alayhi wahida ou bi wahid min thalatha. Ça ne veut pas dire qu'il faut ces trois choses pour atteindre la puberté. Là, une de ces trois ça suffit. Qala itmam 15 سنة. Ça c'est le premier point. Et ça c'est le seuil. Et في الحقيقة هذا c'est pris en compte si les deux autres ils sont pas موجود. Si les deux autres ils sont pas présents, enfin il restera cette limite 15 ans. Enfin si cet enfant, il atteint l'âge de 15 ans, il devient pubère même s'il a pas les autres signes de la puberté. فهذا قول كثير من اهل العلم ils ont limité avec cet âge. Les Mawdhi se sont basés sur le hadith d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, quand il s'est présenté pour faire Ghazwat Uhud et il avait 14 ans, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a refusé. Thumma l'année d'après Al-Khandaq, Ghazwat Al-Khandaq et l'Ahzab, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a accepté. Et c'était un an après, donc il avait 15 ans. Fal-ulama stambatu min hadha annahu à partir de 15 ans l'enfant il devient pubère. Ne pas comprendre que forcément ces 15 ans là il nous reste deux autres signes. Et si l'enfant il a un de ces deux signes avant d'atteindre l'âge de 15 ans, enfin il est forcément pubère. Qala, donc le premier point, le premier signe de la puberté, atteindre l'âge de 15 ans. Qala wa in bat al-ana. Al-ana c'est les parties intimes. Al-imbat, c'est le fait que des poils ils poussent sur les parties intimes de ce garçon ou de cette fille. Bihada, il est considéré pubère. Wa hadhihi al-alama ma'rufa. Qal wa inzal al-mani bi shahwa. Inzal al-mani bi shahwa. بعض العلماء يعبرون بالاحتلام. الاحتلام. أي أن هذا الصغير il atteint un âge et يحصل له هذا انه يغصن du désir et المني ينزل المني ينزل والمني معروف قال. Donc tu as ces trois points. اتمام 15 سنه 15 ans انبات العانه وانزال المني. Si l'enfant il a un de ces trois signes, ne pas comprendre les trois, là un de ces trois, il est considéré comme pubère. Et tu sais que كثير من الاولاد sont pubères avant 15 ans. Mais si tu as compris ces trois points, انت في الحقيقه commence par les deux derniers. انبات العانه. Est-ce que des poils ils ont poussé sur ses parties intimes? S'il a pas هذه, est-ce que il ressent cet écoulement de ce liquide avec شهوه, avec désir? Enfin, s'il a pas ce deuxième signe, il reste le troisième et c'est la limite, le seuil 15 ans. Ça c'est pour le garçon. قال ولل انثى باربعه اشياء. Pour la fille c'est 4 points. قال هذه الثلاثه السابقه, les 3 points qu'on vient de citer pour le garçon, c'est la même chose pour la fille. قال ورابع, et la fille elle a une chose en plus. قال وهو الحيض, اي les menstrues, les règles. Si cette fille elle a un écoulement de sang à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle est considérée comme pubère. Et elle est concernée par l'awamir ou al-nawahi. C'est ça le lien avec notre dars. Elle est considérée par tous les ordres qui sont cités dans le Coran ou dans la Sunna et par les interdictions qui sont citées dans le Coran ou dans la Sunna. قال فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في السن العاشرة. هذا سنتنبيه pour montrer أن la limite qu'il a cité rahmatullah alayh, c'est s'il n'y a pas les autres signes, comme taqaddam. كذلك البنات, les filles en général, elles atteignent la puberté avant les garçons. كثير من البنات elles atteignent la puberté à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et les garçons, en général, c'est un peu plus tard. تستفيد من هذا, on peut faire une parenthèse هنا, أن beaucoup de مسائل elles sont liées à هذا الضابط في البلوغ. هذا الضابط في البلوغ, beaucoup de مسائل elles sont liées à cette connaissance. Et beaucoup de musulmans, للأسف, ils ignorent هذه المسائل فيقعون في المحظور. نعم. Ils contredisent des textes du Coran et de la Sunna à cause de leur ignorance de ces points qu'on a lus ensemble. Et on peut lire Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen avant, ثم ننبه عن هذا. نعم. On lit Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen et après on ننبه عن بعض المسائل. قال فخرج بقولنا البالغ الصغير. Donc tu as deux étapes. Tu as al-saghir, c'est avant le boulour. Et tu as al-baligh, c'est après le boulour. Aïe, la puberté. قال فلا يكلف بالأمر والنهي. Donc avant le boulour, avant la puberté, il n'est pas concerné par al-awamir wal-nawahi. تكليفاً مساوياً لتكليف al-baligh. تنبيهن هنا. Ça ne veut pas dire que cet enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Il ne fait pas la salat et il ne fait aucun jour de siyam ou une moitié ou quelques heures et on lui montre pas qu'adalik les interdits. Il doit pas insulter, il ne doit pas faire du mal aux autres. Abadan. Là, lakin tanabbah huna qala taklifan musawiyan li taklif al-baligh. Il est pas considéré comme le baligh. Mathalan, si cet enfant qui n'a pas atteint la puberté, il n'a pas fait une salat, c'est pas comme celui qui a atteint la puberté qui a délaissé une salat, c'est pas la même chose. قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. Tu as une deuxième limite هنا, ou une deuxième notion d'âge, التمييز. بعض الناس ils mélangent entre التمييز et le boulour تقدم la puberté avec les trois signes pour les garçons et pour les filles, et les filles elles ont un signe en plus, les menstrues, الحيض. Et هنا, il y a une autre notion, c'est التمييز. التمييز, c'est le fait de différencier. Enfin, cet enfant, s'il atteint l'âge de التمييز, بعض العلماء, il se base sur hadith, النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a ordonné aux enfants de faire la salat à partir de 7 ans, ثم de les frapper à partir de 10 ans, s'ils refusent de la faire. Alors, كثير من العلماء, ils disent, c'est à partir de 7 ans. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. L'essentiel, c'est de comprendre que التمييز, c'est le fait de différencier entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Si l'enfant il atteint l'âge de التمييز, en général, ça sera vers 6-7 ans. Il sait c'est quoi qui est bon, il sait c'est quoi qui est mauvais. Il peut manger seul, il s'habille seul. Il se nettoie seul, il se lave seul. Arrivé à cet âge, il commence à faire certaines choses. Et il sait c'est quoi les bonnes choses, les mauvaises choses. On doit l'habituer à faire des ibadat. Khassatan as-salat. Falihada, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de ordonner à cet enfant à partir de 7 ans. Et à partir de 10 ans, s'il refuse, dharbun khafif hatta yafham. قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي. Même si avant le boulour, هذه المعاصي, elles sont pas inscrites, elles sont pas enregistrées, il aura pas de compte à rendre يوم القيامة. لكن تأمل قوله تمرينا. التمرين c'est traduit par exercice. تمرين c'est des exercices. وبعض الآباء يفهم أن خطأ أنهم يدلس leurs enfants بحجة أنه إلى صغير ثم quand il atteint un certain âge, la puberté, et بعضهم ils sont في غفلة, ils connaissent pas هذه المسائل comme on a dit, فربما c'est plus tard, بعضهم ils commencent à conseiller leurs enfants à partir de 16 ans ou 18 ans, fais telle chose, mets le hijab, fais salat, va au masjid, et l'enfant il a pas pris cette habitude et c'est très très dur. وتعلمون أن النفس إذا تعودت على شيء ما, أي الإنسان, l'être humain, son âme, quand elle s'habitue à une chose, c'est très très difficile de changer بعد. لهذا, cet enfant, dès le plus jeune âge, on l'habitue. On l'habitue à faire salat, on l'habitue à, si c'est un garçon, de sortir avec son père, d'assister au durous, d'assister à la salat, bien sûr, s'il a atteint cet âge. S'il a atteint cet âge, annahu la yuz'ij al-musallin, et il est propre, il a akhri, bah, hada c'est tayyib pour l'enfant. Hakada, al-bint l'habituer au hijab très très tôt. Voilà, au départ, bien sûr, couvrir les cheveux faqat, avec un hijab tayyib. Vous verrez que ce garçon ou cette fille, arrivés à l'âge de la puberté, ils auront beaucoup de notions, ils auront beaucoup de choses acquises. À salat, ça sera pour eux quelque chose de très très simple, ils ont l'habitude. Depuis leur jeune âge, ils se lèvent tôt, ils font salat avec leurs parents, thumma, ils ont l'habitude de telle chose, telle chose. Fala shak anna hadha, ça facilite jiddan. Qala, rahimahullah, ولكنه يؤمر بالعبادة بعد التمييز تمريلا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. Et ça, c'est min husn at-tarbiya. C'est ça la bonne éducation. La bonne éducation, c'est de donner beaucoup d'importance à hadha al-janib. Et les adorations, les appliquer autant que cet enfant il peut, et le mettre en garde contre les interdictions très très tôt. Et on répète, on fait attention à l'erreur de certains, là il est encore petit. Bel ba'dhum, iyadan billah, yata'awun ma'a waladihi fil haram, il dit il est petit. Mithal, il va lui acheter quelque chose de haram, il m'a un jeu, il m'a un vêtement haram. Thumma, si tu lui montres annahu c'est haram, il va admettre, il va te dire, non, je sais que c'est haram, lakin il est petit. Awalan, le fait de l'acheter c'est haram. Et c'est le parent qui a acheté cette chose, c'est haram. كذلك le fait de lui mettre ou de lui faciliter, c'est haram. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. On doit s'entraider dans le bien et non dans le mal. À tout ça, le père ou la mère, ils prennent des péchés, wala shak. Thumma, et c'est le troisième point et c'est lié avec notre dars, limada tu n'habitues pas ton enfant à une chose de mubah, de halal, de mashrou'. Amma, habituer son enfant au haram, thumma, du jour au lendemain, vouloir lui enlever ces choses, c'est très compliqué. Fait comme minan nas, l'un, ils n'arrivent plus avec leurs enfants. L'imada, l'enfant, il s'est habitué. Si tu lui enlèves cette chose, Rabbama, il ne mange plus, il pleure, il a arrêté. L'insan, yantabih, l'éducation, c'est hada. L'éducation, c'est pas ce que certains y font. Annahum, ils placent leurs enfants dans une école ou dans un endroit et ils pensent que c'est ça, l'éduquer. Comme on l'a déjà cité ensemble, c'est chez les ennemis de l'islam. Ils pensent que c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est l'haqiqa, c'est très, ça prend beaucoup de temps. Et c'est très très difficile, illa pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il a wuffaq. À ma pensée que l'éducation, c'est que la propreté, acheter des vêtements et sortir son enfant, c'est pas ça l'éducation. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. L'éducation, c'est hada, c'est sabr, dès le départ. Habituer cet enfant à faire des choses tayyib, des choses bénéfiques pour lui, à l'écarter des choses qui lui feront beaucoup de mal. Fi dunya wa fi akhiratihi. C'est ça l'éducation. L'inaya bihada. Et la parenthèse qu'on avait ouverte, on la reprend. Ce sujet, il est très très important. Il y en a beaucoup de masa'il. Beaucoup de masa'il qui rentre fi hadha al-bab, ay par rapport à l'âge de la puberté. Fa mathalan ba'd al-muslimin li jahlihim, leurs enfants ils atteignent l'âge de la puberté. Ça peut être la fille, elle peut avoir 10 ans, l'enfant il peut avoir 11 ans et cet enfant il fait pas siyam. Limadha li'anna al-ba'd ils ont un aperçu des choses qui n'est pas fondé sur al-ilm, al-shar'i, al-Qur'an wa as-sunnah. Ta'lamouna anna al-ba'd pense que as-siyam pour les enfants c'est à partir de 16 ans ou 18 ans al-ba'd. Limadha li'anna ils ont cet aspect des choses, la majorité, l'enfant il est responsable. Dans notre dîn, ça n'existe pas la majorité à 18 ans. Là, dans notre dîn, al-awamir wa an-nawahi c'est fondé par rapport al-bulour. Falihadha, la fille elle a le droit de se marier à partir de 10, 11, 12 ans si elle est pubère, elle a le droit. Falihadha, à l'époque, ils mariaient leur fille à cet âge-là. À notre époque, c'est devenu très compliqué. Dans certains pays, tu ne peux pas. Tu auras des problèmes. Il a akhri, wallah al-musta'an, wa illa, on doit essayer de revenir à ses repères. كذلك البعض يبنس que cette fille qui doit mettre le hijab, elle doit atteindre l'âge de 14, 15, 16, 17, 18. Alors que là, si elle atteint le boulour, si c'est à 10, 11 ans, elle doit porter le hijab. Le hijab, le shari. Et في هذا الحال, il n'y a aucune différence entre ce hijab et le hijab de la femme. كذلك, البعض يفون une erreur. Et في الحقيقة, cet exemple, il montre أن الناس في هذه المسألة وفي كثير من المسائل يسويف leur passion. كثير من الناس. Quand c'est pour Al-Awamir wa Al-Nawahi, vous avez remarqué qu'ils disent Kathir, il est encore petit, il ne faut pas se précipiter, il ne sait pas, il a akhir. Alors que Rubama, il est pubère. Fi dinina, par rapport aux ordres et aux interdictions, il est considéré comme adulte. Lakin, quand c'est dans leur maslaha, prends l'exemple du voyage de la femme avec le mahram, Rubama, elle va voyager avec un enfant qui a 8 ans, 7 ans. Il n'est pas encore pubère. Elle le considère comme mahram. Et هذا لا يجوز, c'est pas un mahram. Le mahram min shurutihi annahu, il faut qu'il soit pubère. S'il est pubère, s'il a 12, 13, 14, il est considéré comme mahram. S'il n'est pas pubère, c'est pas un mahram. Même s'il atteint l'âge de tamiz, même s'il a 8 ans, 9 ans, même s'il a l'habitude d'accompagner sa mère, il a akhir, là. لأن من شروط المحرم, on a dit, il faut qu'il soit pubère. Et كذلك, le mahram, pourquoi cette femme a besoin d'un mahram, un homme? لماذا? لأن elle peut avoir besoin de certaines choses. Rubama wahid, il veut lui faire du mal. Et هذا الرجل qui l'accompagne, il est capable de repousser الشر. Mais un enfant de 7 ans, 8 ans, voilà, il arrive chez. Même s'il sait parler, même s'il se débrouille dans certaines choses, c'est pas un mahram. Et combien de masa'il vi هذا? On peut citer. هذا الباب, il est muhim جدا. كذلك الصلاة. الصلاة, on a le hadith. Sur les 7 ans et les 10 ans, Alhamdulillah, l'insan yashtahid fi hadha. C'est ça, husn at-tarbiya. Celui qui veut éduquer ses enfants, qu'il prenne comme base al-ilm al-shar'i. Al-ilm al-shar'i. Tu as plusieurs étapes. Quand il est bébé, alhamdulillah, c'est un bébé. Quand il commence à grandir, à partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il commence à marcher, parler, se déplacer, commence à l'habituer. Certaines choses très très simples. Al-haram, c'est haram. Et tu lui montres. Et là, chaque qui ne sait pas, il fera certaines choses. Lakin, tu l'habitues. Arrivé sin at-tamyiz, il y a beaucoup de choses très très importantes qu'on ne doit pas négliger. As-salat, on doit l'habituer à faire as-salat. Et si il ne la fait pas, on lui montre que c'est grave. Et ta'ammalu al-hikmah, notre dîn, il est fondé sur la sagesse. De 7 ans, si on considère que tamyiz c'est à 7 ans, jusqu'à 10 ans, tu as 3 ans pour l'habituer. À partir de 10 ans, vahuna, ça commence le corriger s'il ne fait pas salat. Il prend l'habitude. Enfin, avec cette méthode, cet enfant arrive à 11, 12, 13 ans, il sera pubère. 14, 15 ans, ça deviendra un homme ou une femme si c'est une fille. Alhamdulillah, la salat, c'est quelque chose de normal. Il ne peut plus s'en passer. كذلك, on a oublié de citer une mas'ala muhimma par rapport à l'âge. Al-Ba'd, il se pose souvent la question à partir de quel âge l'enfant. À partir de quel âge l'enfant, il ne doit plus se mélanger aux femmes si c'est un garçon. Ou une fille, elle ne peut plus se mélanger aux hommes si c'est une fille. Maintenant, les amis du père, ou les amis de la mère. Est-ce que ton fils, il peut rester avec ses femmes? Al-ulama yunabbihun huna an at-tamyiz, c'est mu'tabar fi hadha al-bab. Ne pas faire l'erreur de certains, l'enfant, il a 11 ans, 12 ans, 13 ans, probablement 14, 15 ans, il est pubère, et il reste encore avec des femmes. Awwalan, ça va le toucher via akhlaq. Il y en a le garçon qui grandit avec des femmes, il sera touché dans son comportement et dans sa fitra. Et ça, c'est pas tayyib. Il aura beaucoup de faiblesses. Et thaniyan, le hukm al-shar'i. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'. Et là, chaque le pubère, il est concerné par l'awamir wa an-nawahi. Bal al-ulama yaqulun anna le garçon, et qu'avec la fille, elle doit pas se mélanger avec le sexe opposé à partir du tamyiz. Et c'est quoi at-tamyiz huna? C'est que cet enfant, si c'est un garçon matalan, et son regard il s'attarde sur les femmes et il commence à décrire et il commence à différencier hadhihi elle est jamila, elle est belle, et hadhihi elle est ghayr jamila, elle est pas belle, et il commence à parler de ces choses, fi hadha al-hal yumna. Fi hadha al-hal, il doit plus rester avec les femmes même s'il a pas atteint l'âge de la puberté. Toutes ces masaïl, c'est très très important. Comme min fitan, comme min mashakil, elles sont arrivées, les mains là, à cause du délaissement de ces bases. Ma yata'allaq bi al-boulour wa al-tamyiz, c'est très très important. Et l'ulama, il cite souvent ces points, les mains là, les annas, c'est min shurut al-ibad. Taqaddam ma'ana fi al-siyam, anna parmi les conditions du jeûne, al-islam ou al-boulour. Et les conditions de telles choses, le hajj matalan, le boulour, et beaucoup de ibadat, c'est fondé sur ça. Qala, wa kharaja bi qawlina al-aqil, donc on a fini, al-baligh, donc le pubère, avec les signes qu'on a cités. Hada, il est concerné par mada, par al-awamir wa al-nawahi, et les deux chapitres précédents qu'on a étudiés ensemble. Wa kharaja bi qawlina al-aqil al-majnoun. Ça, c'est le deuxième point. Le premier, donc, al-baligh, le pubère. Le deuxième point, al-aqil, celui qui a la raison. Amma al-majnoun, celui qui n'a plus ses capacités mentales, il ne sait pas ce qu'il fait. Hada, il n'est pas considéré comme mukallaf, même s'il est adulte. Vous avez remarqué qu'il faut les deux. Il faut les deux, al-aqil ou al-baligh. C'est celui-là, al-mukallaf, qui est concerné par al-awamir ou al-nawahi. Qala al-majnoun. فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو فساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. Donc on a plusieurs choses هنا. أولا المجنون لا يكلف بالأمر والنهي. لماذا؟ لأنه il sait pas ce qu'il fait. Tu peux le comparer à quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, Obama, il dit une mauvaise parole ou il fait une chose, il n'est pas pris en compte, il dort. Tant qu'il ne fait pas du mal à un autre, il dort. Mais s'il fait du mal à un autre, on va le réveiller, on va lui dire attention, attention, tu gênes Foulaine, attention. Enfin, c'est exactement la même chose, fait Al-Majnoun. Al-Majnoun, donc, c'est celui qui a des problèmes mentaux, il n'a plus la raison. فَلَا يُكَلَّفْ بِالْأَمْرُ وَالنَّهِي ثُمَّ قَالَ وَلَكِنْ يُمْنَعْ مِمَّا يَكُونْ فِيهِ تَعَدٍ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ إِفْسَادٍ. Si il fait du mal à quelqu'un avec ses faits et gestes ou avec une parole, fayumna, même s'il est majnoun, même s'il a plus la raison. Mathalan, il l'insulte ou il veut le frapper, on le retire. On le retire, on a que ça, il est majnoun. Mais lui parler le conseiller, il comprendra pas, on le retire. Hatta il ne fait pas de mal à un tel. Qala ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. Et هنا on va citer cette مسألة pour les deux, البالغ والعاقل. Est-ce que هؤلاء الصغير والمجنون, est-ce que s'ils font cette obligation, est-ce qu'ils sont récompensés ام لا? On commence par الصغير. هنا فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مختصرة. قال فيها il lui pose la question, est-ce que اعمال الطفل الذي لم يبلغ اي الصغير, l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, s'il fait salat ou le hajj etc, est-ce que l'ajr il est pour lui ou il est pour ses parents? فقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه اعمال الصبي الذي لم يبلغ. Vous avez remarqué la diqqa dans le kalam, la précision. لأن البعض يpense que الصبي même s'il a le boulot, pour eux ça reste un enfant. لا, في الشريعة الصبي c'est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Avec cette précision, un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, هذا si fait salat al hajj etc, est-ce qu'il est récompensé? قال لم يبلغ يعني أعماله الصالحة, les œuvres pieuses qu'il va faire, أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره. La récompense c'est pour lui. Il sera récompensé يوم القيامة. فتأملوا كرم الله سبحانه وتعالى وبره عز وجل. أنه cet enfant s'il fait du khair, il fait الصلاة, il lit le Coran, il va avec son père au masjid, il fait le hajj avec ses parents, il est récompensé, il sera récompensé عند الله عز وجل. أما المحرم فلا, il n'est pas pris en compte. S'il fait une ma'asiyah tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'est pas pris en compte. قال ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه. Les parents, ils ont une récompense, pas de l'adoration elle-même. مثلا il a fait le hajj ou il a fait le salat, لكن ils ont une récompense لأنهم, c'est eux la cause. C'est eux qui l'ont emmené au hajj. C'est eux qui lui ont appris à faire le salat. C'est eux qui lui ont ordonné ou conseillé de faire le salat. Enfin, ils ont une récompense. Là, في التربية الإسلامية الخير. Il y a un khair عظيم. Tu montres à ton enfant wa tasbir alayh et tu es récompensé. Et ça, ça facilite pour l'éducation des enfants. Là, l'éducation des enfants, c'est difficile. لكن avec هذه النية, tu penses à هذا, أن tout ce bien que tu essaies de lui montrer, tu seras récompensé عند الله. Même s'il ne fait pas. Même s'il ne fait pas. Bel s'il ne fait pas, أنت, tu as fait ce que tu pouvais. Et tu as rempli ta responsabilité. Et tu es récompensé. Amma huwa qu'il soit guidé amla, fahada sibi yadillah azza wa jalla. Fahada, ça aide. Ça aide pour l'éducation des enfants. Qala, lima fi sahih muslim, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an amra'atan rafa'at sabiyan ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wada'a, faqalat ya rasulallah, ali hadha hajjun? Qala na'am, walaki ajr. Faakhbar an nabi sallallahu alayhi wa sallam an al hajj lis sabi. C'est ça le dalil. Une femme fait Hajjat al-Wada', le dernier Hajj que le prophète alayhi salatu wa salam il a fait, le seul Hajj qu'il a fait d'ailleurs, avant sa mort alayhi salatu wa salam, il a fait plusieurs Umrah, mais le Hajj il en a fait un alayhi salatu wa salam. Et il est mort quelques mois après alayhi salatu wa salam. Une femme fait Hajjat al-Wada', elle a pris son enfant, elle l'a soulevé et elle a demandé au prophète salatu wa salam, est-ce que هذا له الحج? Lahu hajj, est-ce que هذا il est considéré comme avoir fait le hajj? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال نعم ولكي أجر, et tu as une récompense. فقوله نعم, ça montre que le hajj il est pour l'enfant. لأن la femme elle a demandé, est-ce que cet enfant il est considéré avoir fait le hajj? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit نعم, donc il a la récompense. ولكي أجر, ça montre que les parents ils ont une récompense كذلك. وهنا un تنبيه مهم أن cet enfant, بعض العلماء يقولون أن la récompense qu'il a c'est comme pour النوافل. C'est comme النوافل. Il a pas la récompense d'avoir fait l'obligation et أنه s'il a fait le hajj petit il n'a plus à refaire le hajj. Là, voilà, même si il a fait le hajj en étant petit, enfin quand il grandit, le hajj qu'il a fait c'est comme une nafila. C'est comme un hajj recommandé en plus. أما l'obligation la بد من البلوغ. C'est pour ça que min shurut al-hajj il y a bien sûr l'islam, la sincérité et al-bulugh. Enfin, ça montre qu'en étant petit il est considéré avoir fait le hajj nafila, il a une récompense azima. Quand il grandit il doit refaire le hajj, ay son obligation, le pilier de l'islam. Fahada fal hadith na'am kama qala shaykh Abdul Aziz rahmatullah alayhi li fi sahih muslim. Hada ma yata'allaq bi as-sabi. On a lu kalam shaykh Ibn Baz rahmatullah alayhi avec la preuve. أما المجنون فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Est-ce que donc المجنون, celui qui n'a plus la raison, le malade mental, est-ce que si il fait une عبادة est-ce qu'il est récompensé? قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن كان مسلوب العقل, مسلوب العقل أي il n'a plus la raison, أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه رفع القلم عن ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم الى سيتي الصبي حتى يبلغ, النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق. المجنون حتى يفيق. فصا مونتر ان القلم اللي مرفوع, القلم اللي مرفوع هنا عن السيئات وعن الطاعات لي دو. اما الصبي فاون ا دي بروف كي مونتر ك الطاعات هاد سون اكسبتي. حديث ابن عباس رضي الله عنه في حجة الوداع. دونك القلم اللي مرفوع pour le مجنون pour l'instant on a pas de dalil qui montre que ces ta'at elles sont acceptées. Donc on reste sur la généralité. ان ces œuvres elles sont pas prises en considération, les bonnes et les mauvaises. قال فليس عليه عقاب ولا يصح ايمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من اعماله. Ces œuvres elles sont pas validées, elles sont pas acceptées. لماذا؟ لأنه il est مجنون. Et la principale la principale condition pour les ibadat, c'est quoi? C'est le qasd, c'est l'intention. Il n'a pas d'intention. Il peut faire une ta'a comme il fait une ma'asiyah. Il peut faire une bonne chose, une mauvaise chose. Il n'a pas d'intention. Et là, chaque anal insan, il est rétribué par rapport à son intention. Innama l'a'malu bin niyyat. Faliyada al-majnoun, al-qalam il est marfou'an. Qala, fa'innal a'mal, kullaha la tuqbal illa ma'al aql. Faman la aqla lah, la yassih shay'un min ibadatihi, la faridha wa la nawafil, wa man la faraidhihi wa la nawafilihi. ومن لا فريضة له ولا نافلة فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول كانت الصلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون أولى. أساسا استدلال طيب أن الصلاة celui qui n'a pas la raison à un moment donné il n'a pas le droit de faire الصلاة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى نهانا de faire الصلاة وأنتم سكارى. أي مثلا سي واحد يبوا دلال كل عيادا بالله لا شك الا في الحرام اي سي لي ايفر لا با لو دو فير الصلاه حتى يغبرون سي اسبري اي في الصلاه ويتوب اي في التوبه دابور بو دلال كل سي pour ce cas à un moment donné il peut pas faire la salat alors qu'il n'a pas la raison que dire celui qui n'a pas la raison du tout le temps فهذا il n'a pas faire la salat قد يقول قائل يوم القيامه يوم القيامه ça dépend. Si avant d'être mejnoun, avant d'avoir perdu ses capacités mentales, c'était un musulman, alhamdulillah. Quand il est devenu mejnoun, al-qalam il s'est arrêté, c'est un musulman. Et s'il meurt, il meurt musulman. S'il a toujours été comme ça, il est né comme ça et grandi comme ça, fa hada hada ba'd ahl al-'ilm disent annahu yukhtabar yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah il sera testé ma ahl al-fitra. Il aura un test. Comme nous, on a eu ce test fait de dunya, ils ont un test yawm al-qiyama. S'il réussit, il fera partie des gens du paradis. Et s'il échoue, yadam billah, il ne rentrera pas fil jannah. Ça, c'est une autre mas'ala. Hada kalam al-imam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ahuna, je n'ai pas la référence. La'allahum min al-fatawa. Yundar, la référence. Amma, Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayh. ففي مجموع الفتاوى ده الشيخ بن باز رحمه الله عليه الشيخ بن عثيمين الى نبى عن الاجر نعم قال on revient à son كلام ولو فعل المامور به لم يصح منه الفعل. هذا سي exactement comme كلام الشيخ الاسلام لتيميه رحمه الله. Si il fait le ma'mour bih, il fait le salat, il fait le siyam, lam yassih minh. Limadha li'annahu lui manque la condition al-aql. Contrairement à l'enfant. L'enfant, s'il atteint un certain âge, il a la raison. Il a la raison. Il sait que cette chose, elle est bonne, il sait que cette chose, elle est mauvaise. Un enfant, à partir de 6, 7 ans, 8 ans, même s'il n'a pas atteint l'âge de boulot, s'il a une bonne éducation, s'il va au hajj, il va être content, il sait que c'est du bien. Il a la récompense. Contrairement au mejnoun, il ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Et tu ajoutes qu'à l'année qu'on a pour l'enfant, on a un délit. On a un dalil, hadith ibn Abbas, cette femme qui a montré cet enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, na'am, il a l'ajr. Amma le majnoun, on a le dalil, anna al-qalam, il est marfou'. Et les anges, ils écrivent plus ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Fahada huwa at-tafsil fi hadhihi al-mas'ala. Et on répète, anna pour l'enfant, si c'est une obligation comme le hajj, il doit la refaire. Amma si al-majnoun, il est guéri après une certaine période, enfin, il n'a pas rattrapé les ibadats qu'il a manqué. Il y a une mashaqqa azima. On ne lui dit pas, il a été majnoun un mois, un an, deux ans, de rattraper toutes les salats. Et à sarir, la shak, il commence les ibadats à partir de al-boulour. Qala, wa la yiridu ala hada, ijabu al-zakat wal-hukuk al-maliyya fi mali sarir wal-majnoun. Après avoir cité ما يتعلق بالبالغ والعاقل ça fait sortir le sagir ou le majnoun, ceux qui sont concernés par les ordres et les interdits. Cheikh Ibn Uthaymeen هنا il a cité un tanbih ولا يرد على هذا إجابة الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. Quand tu vas étudier le fiqh, tu verras que mal al-saghir wal majnoun, il y a des حقوق, même si cet enfant il est petit, même s'il vient de naître. Il a 6 mois, il a 1 an, il a de l'argent. Maintenant, son père lui avait laissé une somme d'argent ou un héritage. Son père, il n'est plus là. Cet enfant, il a de l'argent. Il pourra en profiter quand il grandira. Lakin l'argent, elle est à lui. Il y a des hukouk, même s'il est petit. Kadhalik le majnoun. On qadra que wahad, il travaillait, il avait beaucoup d'argent, thumma il est tombé malade. Il a perdu la raison. L'argent qu'il a laissé, elle est à lui. Même s'il est majnoun. Sa famille vont s'occuper de lui avec cet argent. Cet argent, il y a un haq. Il y a un haq, mathalan, az-zaka. Si c'est beaucoup d'argent et cet argent remplit les conditions pour la zakat, on doit sortir la zakat de cet argent. فَلِهَذَا قَالْ شَمْ الْعُثَيْمِينَ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا Aïe, ne pas penser qu'il y a une contradiction. Annana, on a dit, ils ne sont pas concernés par les ordres et les interdits. ثُمَّ on dit, s'il a de l'argent, il doit sortir la zakat. لِمَذَا قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة نعم لأن il y a des causes précises qui montrent que cet argent on doit sortir la zakat même si c'est l'argent d'un مجنون أو d'un enfant قال متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل صحيح أن هذا المال On regarde, est-ce que le mal, il est présent? On ne regarde pas la personne. Que la personne soit en bonne santé ou malade mental, le mal, il est là, il est là. Donc, on doit sortir la zakat. On donne un exemple. Et ça, c'est très, très important. Et ça t'a dit, incha'Allah ta'ala, une qa'ida fi dars al-qawaid al-fiqhiyya sur ce sujet. Ma yata'alak bil-dhaman. Ma yata'alak bil-dhaman. Al-dhaman, c'est le fait de rembourser une chose. Si ce majnoun ou cet enfant, mathalan, il casse la voiture de ton voisin, ça arrive. Kathirou minan nas, ils font une erreur, yakouloun, mais ils ne savaient pas. Imma, il est malade mental, il ne sait pas ce qu'il fait. Imma, c'est un enfant, il ne sait pas. Il a jeté une pierre ou il a fait quelque chose, il a cassé la voiture du voisin. Fi hadha al-hal, vu que al-haq, c'est l'il-ghayr, al-haq, c'est l'il-ghayr. أما في حقوق الله عز وجل العبادة فالعفو سبازي سوغ العفو أما في حق الغير لا sa voiture elle a été cassée elle doit être remboursée s'il n'a pas fait exprès alhamdulillah on le rembourse il n'y a rien de mal s'il a fait exprès c'est grave il y en a où il veut du mal à son voisin et il rembourse dans tous les cas ce voisin sa vitre elle a été cassée que ce soit un enfant un adulte lui il a perdu sa vitre et ouais il a rien fait de mal donc sa vitre elle doit revenir comme elle était fi hadha al hal ce responsable de cet enfant de ce majnoun ils doivent rembourser si cet enfant il a de l'argent l'exemple qu'on a donné auparavant maintenant un héritage ou ce majnoun il a de l'argent maintenant il travaille avant d'être tombé malade on prend de cet argent pour réparer s'ils ont pas c'est le wali le père de l'enfant ou le responsable de ce malade qui rembourse fa hadha la bud Comme il m'a chacun à cause de ce point. Bardanès, ils ne comprennent pas. Ils pensent que le fait de rembourser, c'est si tu as fait exprès. Ça peut arriver un takadalik. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un majnoun, wallahi alhamd, lakin, wahad, il te passe quelque chose, il te le prête, et sans faire exprès, tu le perds ou tu le casses. Tu dois rembourser, même si tu n'as pas fait exprès. Bardanès, ils pensent que c'est, si c'est volontaire, je rembourse. Je n'ai pas fait exprès, fala. Eh bien, limada li anna hadal ghayr, et cette personne, elle a perdu son bien. Elle doit être remboursée dans tous les cas. Et là, je sais que celui qui fait exprès, c'est très très grave. هذه القاعدة في الفقه أن في الضمان elle est très très importante et on la verra ensemble. على كل حال, on a cité هذا لماذا لأن c'est lié à هذا أي ما يتعلق بالحقوق que ce soit في المال ou autre. Et هذا كذلك c'est من التربية. بعض الآباء font une erreur أنهم دائما ils prennent leur fils أنه c'est une victime un innocent et ça c'est une grave erreur avec les enfants. Ça arrive, il n'a pas fait exprès certaines choses, mais ne l'habitue pas à ça. C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Al-Ba'd, ils voient leur enfant, ils font volontairement. Si on prend l'exemple de la voiture, ils le voient maintenant prendre un caillou, le jeter. Dès que le propriétaire de la voiture il se plaint, devant l'enfant, il dit il ne sait pas, il est petit, il a arrêté. L'enfant, il s'habitue, il entend tout. Là, l'enfant responsabilise-le dès son plus jeune âge. L'imam, là, tu jettes un caillou. Et tu ne dois pas jeter, tu lui montres. La prochaine fois, tu verras, bi'idnillah, il va s'améliorer. Amma al-ba'd, iyadam billah, ils ont habitué leurs enfants à hada. Et l'enfant, il grandit 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, et il est habitué à hada. Iyadam billah, il n'a plus de limites. L'imam al-yana, il est habitué à être protégé. At-tarbiya, kadhalik, ce point, il est très important. Thumma qal, wa at-taklif bil-amr wa an-nahy shamil lil-muslimin wal-kuffar. après avoir cité ma yata'allaq bi al-baligh wa al-aqil, une autre mas'ala, est-ce que at-takrif c'est que pour les musulmans ou كذلك ça englobe les kuffars? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen wa at-takrif bil amr wa an-nahy shamil lil muslimin wal kuffar, lakin al-kafir la yasih minhu fi'l al-ma'mur bihi hal kufrihi. Ala shak anna al-kafir li concerné par l'awamir wa an-nawahi, lakin si il fait une ibada, elle n'est pas acceptée tant qu'il ne rentre pas dans l'islam. Elle n'est pas acceptée, abadan. Enfin, un kafir qui fait du khayr, il n'a pas de récompense, abadan, indallahi subhanahu wa ta'ala. S'il fait une ta'a, il fait une salah, ou une invocation, ou il fait un jour de jeûne, ba'd al-kuffar, il jeûne au Ramadan, pour faire comme leurs amis ou autre. Enfin, haoula, ils ne sont pas récompensés, abadan. Abadan, hatta il rentre avec l'islam. Limadha li'anna min shurut qabul al-ibada, le premier chart c'est l'islam. Le premier chart c'est l'islam. Allah il n'accepte pas des kuffars. Qala li qawlihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi fata'ammal qawlahu illa annahum kafaru. Ça c'est la réponse. Pourquoi haoula, leur nafaqat, elle n'a pas été acceptée, leurs dépenses, elles n'ont pas été acceptées. Pourquoi? Li annahum kafaru billah wa bi rasulihi alayhi salatu wa salam. Donc ça montre bien que al-kufr, c'est un mani'. Al-kufr, ça empêche la mécréance, ça empêche que l'œuvre soit acceptée. Ça nous montre que l'islam, c'est une condition. Kadhalik qawluhu ta'ala wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Bihada shart man amila salihan, celui qui fait une œuvre pieuse, min dhakarin aw untha, ça englobe les hommes et les femmes, wa huwa mu'min, et c'est un croyant, hada il a la récompense et son œuvre elle est acceptée. Amma al-kafir fa abadan. Qal wa la yu'mar bi qada'ihi idha aslam. Si hada al-kafir yuslim, il rentre fi l'islam, il n'a pas rattrapé tout ce qu'il a manqué. Mathalan, il a eu la puberté, ce kafir, on dit à 15 ans. Il se convertit à 25 ans. Il a manqué 10 ans de ibad, 10 ans de salat, 10 ans de siyam. Fi hadha al-hal, on ne lui dit pas de rattraper. Abadan. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen li qawlihi ta'ala qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Bal Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne tout. Et hadha li umur. Le fait de tout rattraper, si on considère une période de 10 ans, fafihi mashaqqa azima. Rattraper 10 ans de salat, c'est énorme. 5 salats par jour, c'est énorme. C'est des milliers de salats. Kadhalik, rattraper 10 ans de siyam, c'est 10 mois, c'est énorme. Thaniyan, et notre din, il est fondé sur l'yusr, sur la facilité. Notre din, il n'est pas fondé sur la difficulté. Deuxième chose, anna si ce kafir, quand il se convertit, ou avant de se convertir, on lui informe s'il se convertit, il doit rattraper tout ça, ça va le repousser. Wala shak. فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ celui qui se convertit à l'islam, il n'a pas à rattraper tout ce qu'il a manqué. بَلْ Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne tout. كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, il a cité الدليل, شَمْ الْعَتَيْمِنْ قَالْ وَقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَمْرْ ابْنَ الْعَاصُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرْ أَنَّ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. أن الإسلام سيفاست تو. فسي سيفاست تو فلا شك أن سيت بيرسون, ce nouveau مسلم, cette nouvelle مسلمة, ils n'ont pas à rattraper. قَالْ وَإِنَّمَا يُعَاقَبْ عَلَى تَرْكِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ. هذا لا شك فيه. Il aura des comptes à rendre sur tout. La mécréance qu'il a faite, ça sera la cause, il sera éternellement en enfer. Et qu'est-ce que toutes les choses qu'il a délaissées? Pourquoi il n'a pas fait salat? Pourquoi il n'a pas fait telle chose? Là, chaque al-kafir, il rendra des comptes. Les qawlihi ta'ala ala jawab al-mujrimin idha su'ilu ma salakakum fi saqar. Aïe, fi nar. C'est quoi qui vous a poussé fi nar? Ils répondront, qalou lam naku min al-musallin. Ça montre, le fait de délaisser la salat, ça a été une des causes de leur châtiment, avec leur mécréance. Et بعض العلماء يستدلون بهذه الآية, celui qui délaisse la salat, c'est un kafir. من سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين. وبعض العلماء يقولون أن من أوصاف الكافرين سلفت دلس الصلاة عيدا بالله. قال ولم نكن نطعم المسكين, أي إذا نبقى نغيتو غبوف, وكنا نخوض مع الخائضين. وجه الدلالة شيخ ابن عثيمين لا سيتي سي فيرسي هنا بو مونتخي أن الكافر une des causes qui le poussera au châtiment, c'est le fait d'avoir délaissé les obligations. Donc, il est concerné fi dunya, et yom al-qiyama, il rendra des comptes. Une précision, on a si fait une ibadah, et il ne s'est pas converti à l'islam, elle n'est pas acceptée. قال, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ. Donc, deux points. مَنْ يَدْخُلْ فِي الْخِطَابِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِ البالغ والعاقل. البالغ celui qui a atteint la puberté, ça fait sortir l'enfant qui n'a pas atteint la puberté. العاقل celui qui a la raison, ça fait sortir celui qui n'a pas de raison. Avec bien sûr des précisions qu'on a vues ensemble. ثم il a cité la masala, est-ce que الكافر il est concerné? Là, je sais qu'il est concerné. Il est concerné par les ordres, il doit s'écarter des interdits. Lakin si c'est un kafir et il veut appliquer, il veut faire une adoration, on lui dit ton adoration elle n'est pas acceptée. Convertis-toi à l'islam et adore Allah Azza wa Jal. هذا قال موانع التكليف. ختم هذا الباب المهم رحمة الله عليه avec هذه المسألة. أي des choses موانع التكليف. أي أن الإنسان il est pas pris en considération même si c'est un mukallaf. C'est-à-dire il atteint l'âge de la puberté, il a la raison, lakin dans certains cas il est pas pris en considération. D'avoir fait cet interdit ou d'avoir délaissé cette obligation. Dans certains cas, il en a cité Naam 3. Al-jahlu, l'ignorance. Al-nisyan, l'oubli. Et al-ikra, le fait d'être forcé. Forcé à ne pas faire une obligation ou à faire un interdit. Kadhalik, on citera avec al-nisyan, al-khata. Ça ressemble au nisyan, à l'erreur. Qala rahimahullah mawani' al-taklif. Et, بعض الناس وقعوا في الانحراف. لماذا؟ à cause de leur ignorance في هذا الباب. ربما ils ont de la chida, de la dureté envers leur frère musulman qui s'est trompé ou qui a oublié ou qui ne savait pas. Et ça c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala هؤلاء leur a donné un عذر. Et on citera des أدلة من الكتاب ومن السنة. Ils ont une excuse عند الله. فلماذا نحن on dépasse les limites et on les prendrait en compte et on se comportera avec eux comme si ils n'avaient pas cette excuse, que ce soit l'ignorance ou l'erreur ou l'oubli. هذا ça arrive كثيرا de ceux qui défendent leur nafs. Celui qui parle لله عز وجل ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى, son but c'est d'aider les autres pour qu'ils soient guidés, il prendra en chose ses considérations. L'imada, il ne fait pas ces choses pour lui. Amma, celui qui pense qu'à lui et qui appelle les gens au ilm ou au din, lakin pour lui, rubbama, il négligera ses points, yadam billah. L'imada, il ne pense qu'à lui. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, les taklifs mawani' minha, al-jahl, wal-nisyan, wal-ikra. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha tajawaza an ummatil khata wal-nisyan, wa mas tukrihu alayhi. رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. Ça montre أن إسناد الحديث فيه مقال. Et là, chaque, أن الإسناد, il a des choses, العلماء, ils ont montré. لكن كما قال شيخ ابن عثيمين. Beaucoup de preuves من القرآن من السنة, ils renforcent le sens de ce hadith, فالعلماء, ils l'ont accepté. Et il y a des autres adillah fi hadha al-bab kathira. Et on a une base fi hadha al-bab. Qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin niyyat. Ça c'est une qaïda. Celui qui avait l'intention de faire du khayr et il s'est trompé ou il a oublié ou il ignorait, c'est pas comme quelqu'un ayyadan billah qui a une mauvaise niyya. On a un asl azim, innama al-a'malu bin niyyat. Comme qala alayhi salatu wa salam. Donc le premier mani' Al-mani' c'est un obstacle, c'est quelque chose qui empêche. Le premier mani' al-jahl. قال فالجهل عدم العلم. وتقدم معنا تعريف العلم. إدراك الشيء على ما هو عليه. تقدم معنا أو سيأتي. تقدم. نعم. فعدم العلم سالجهل. le ilm qu'on a étudié ensemble, enfin, le fait de ne pas l'avoir, c'est l'ignorance. قال فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. Parler durant la salat, c'est interdit. Parler durant la salat, c'est interdit. Un kalam, bien sûr, qui n'a aucun lien avec la salat. Wahed, il parle fil salat, hada, c'est haram. Lakin, si un musulman, il fait le salat et il ne savait pas, ça peut arriver, hada. Ça peut arriver. Un nouveau converti, wahed, il vient de commencer de faire la salat, il a arrêté, va rubama yedjaloul, mit la hadil masail, fa fi hadal hal, on lui montre. Tu as deux choses, huna. قوله جاهلا بالتحريم الكلام اولا il n'a pas refaire la salat لماذا لانه il est excusé الجهل c'est un مانع il est excusé ثانيا ça veut pas dire qu'on se tait il est excusé لماذا il a pas commis de péché il savait pas لكن il y a une autre مساله c'est التوجيه والنصح والبيان في هذا الحال on lui montre Ya akhi, ya fulan, tu as parlé pendant la salat, il va dire je ne savais pas, on va lui dire lâche, allez, tu n'as pas à refaire ta salat bi'idnala l'a accepté, lakin, i'lam anna salat, c'est une ibada qui commence par at-takbir jusqu'au taslim, et on n'a pas le droit de faire des choses qui sortent de la salat, manger, boire, parler, tout ça, tu n'as pas le droit. Tahrimuha at-takbir, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tahrimuha at-takbir, c'est pour ça qu'on appelle le premier takbir, takbiratu al-ihram. Aïe. Ce takbir, quand tu le fais, tu dis Allahu Akbar, il y a beaucoup de choses qui sont haram. Tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus le droit de manger, de boire, de te retourner, il a akhir. Tu n'as plus le droit de parler, et il y a un kalam qui n'est pas lié à la salat. Fa, ala kulli hal, on lui montre. قال ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته. نعم. Et on va pas tout détailler هنا. Parce que vous avez remarqué qu'il a cité al-wajib. وَمَتَ تَرَكَ وَاجِبًا Il y a des choses, même s'il les délaisse par oubli, il doit refaire. مثلاً, il a délaissé le wudu avant de faire le salat, par oubli. فَفِي هَذَا الْحَالِ لَا شَكْ Il n'a pas d'ithm, لكن il a délaissé un shart, c'est une condition, il doit refaire. لأن la salat, elle est acceptée qu'avec ces conditions. لكن on ne peut pas tout détailler, هنا, ça prendrait trop de temps. لكن, un tambih, هنا, مهم, أن الشروط, وربما certains شروط, celui qui les oublie, même par ignorance, il ne savait pas, enfin, on lui dit, مثلاً, de refaire la salat s'il ne savait pas. أو سيأتي معنا كذلك في النسيان. قال ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الموسي في صلاته وكان لا يطمئن فيها. نعم ربما l'exemple qu'on a cité, il doit refaire في الشرط المناسب c'est de citer في النسيان أما في الجهل الطمأنينة c'est un شرط والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة parce qu'on a cité في le fait qu'il a oublié en plus on l'a dit oublié l'ordo إن شاء الله on le citera في النسيان قال وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع أي نعم أي من في الجهل لأن قول النبي قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بغبغ الوقت وربما سعون في هذا نعم قوله لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته نعم si le وقت est dépassé il est dépassé نعم هذا الحقيقة ça demande plus de précision لعل dans un autre درس قال وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع الطمأنينة c'est très très important في الصلاة نعم c'est le fait de prendre son temps وهذا الرجل il a fait الصلاة très rapidement في النبي صلى الله عليه وسلم قال بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر موسى الصلاة كان لا يطمئن فيها لم يأمر بقضاء ما فات من الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم مرة il avait un homme faire salat très rapidement et il est venu passer le salam au prophète صلى الله عليه وسلم pour rester avec lui النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي va refaire la salat tu n'as pas fait la salat pourtant il l'a fait لكن il manquait هذا الشرط العظيم الطمأنينة الشاهد هنا cet homme il était ignorant il est parti refaire la salat il est revenu النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit ارجع فصلي فإنك لم تصلي deuxième fois il lui a dit retourne faire salat tu n'as pas fait la salat L'homme, il est reparti, il a refait la même chose, il est revenu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose. Enfin, cet homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas faire que, je ne fais que cela, je ne sais pas faire autre chose. Allez, apprends-moi. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré, fais kada. Al-Shahid, si l'ignorance, ça ne serait pas une excuse, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait demandé, ça fait combien de temps que tu fais comme cela ? Rabbama Rajal lui aurait dit 1 an, 2 ans, Allahu alam kam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait demandé de refaire toutes les salats. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas demandé de refaire les salats, sauf la salat qui avait encore du temps dans son heure. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, arji' fa salli, fa innaka lam tusalli. Ça nous montre que l'ignorance est une excuse. Il a été excusé pour toutes les salawat qu'il a fait sans tomanina. Ça nous montre, on répète, que l'ignorance c'est une excuse. Walil asaf, beaucoup de muslimines, لا يطمئنون في صلاتهم خاصة بعد الرفع من الركوع هذا سأنول الصلاة لأن الطمأنينة سان شرط كسواء في السجود كسواء في الركوع كسواء في القيام كسواء الرفع بعد الركوع وبعضهم ربما vous avez déjà vu خاصة في الاجتماعات الكبيرة مثلا في المسجد الحرام la période du Hajj il y a beaucoup de gens. Et Awad al-Muslimin, ils viennent de certaines contrées, ils sont touchés par beaucoup d'ignorants. Wallahi, ba'dhum annahum fi sujoud, wa rubbama son front, il touche à peine le sol, il se relève. Hada, il n'a pas de salat. S'il est ignorant, il est ignorant. Lakin, si on lui montre, il s'entête, hada, il n'a plus de salat. S'il continue à faire hakada. Allez, hada, nahnu, on doit conseiller. Ba'dhum, c'est ba'd al-ruku'. Il se relève min al-ruku'. Sami' Allahu liman hamida. Il arrive à peine debout, il descend. Ba'dhum, ils n'arrivent même pas à la position debout. Vous les avez déjà vus, Rabbama. Ba'dhum, il se relève, hakada, il n'est même pas encore debout, il se prosterne. Hada, il manque al-qiyam, ba'd al-ruku'a. Aynahu. Fali hada, nahnu, avec hada al-hadith, avec hada al-mas'ala, nastafid deux choses. En tant que du'at il Allah, on veut montrer. Awwalan, on leur montre. يا فلان الطمأنينة سان شرط النبي صلى الله عليه وسلم لسيت حديث الموسي في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم il a vu cet homme faire comme tu as fait il lui a dit refais la salat et s'il lui a dit de refaire la salat c'est que la salat elle n'était pas acceptée tu lui montres هذا أولا بعلم برفق etc ثانيا tu lui montres que ce qu'il a fait par ignorance il n'a pas à le refaire لماذا لأن الجهل l'ignorance c'est une excuse valable. Min mawani' at-taklif. Tout ce qu'il a fait, même s'il était ignorant, même s'il l'a mal fait, il n'est pas pris en considération. Khassatan, s'il avait une bonne niya, alhamdulillah, il sera récompensé pour sa salat. Hada ma yata'allaq bil jahl, l'ignorance. Wa taqaddam ma'na anna al jahl sa'udra hatta fi bab al mu'taqad. Al qawl al sahih, c'est hada. Et on a étudié هذه المسألة باختصار دون كشف الشبهات. S'il est ignorant même dans une chose qui touche à l'aqida au tawhid, s'il ne savait vraiment pas, فبإذن الله il est excusé. Lakin s'il est conseillé, il doit écouter. Et on a déjà نبه أن هذا الآن c'est un كلام عام. أما في الحقيقة أحيانا c'est du cas par cas. C'est pas tous ceux qui sont ignorants qui sont excusés. أما واحد on lui a montré. Il ne veut pas écouter. Il reste ignorant, il ne sait pas. Lakin, son ignorance, elle a accompli de i'rab. Il se détourne, il ne veut pas écouter. Au wa'adhum, les doros, ils sont devant chez eux. Ils ont la capacité de lire, d'écouter, ils ne font aucun effort. Fa'aoula, c'est autre chose. Amma wahed, vraiment, il ne sait pas. Comme cet homme que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé. Hada sahabi radiyallahu anhu. Il ne savait pas. Il était ignorant. Quand il a été conseillé, il a écouté et il a appliqué. Hada na'am. Son ignorance, elle est excusée. قال ثانيا النسيان والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم وبهذا التعريف tu feras la différence avec le jahl ذهول القلب عن شيء معلوم اي il est pas ignorant il sait لكن à un moment donné il oublie si tu lui rappelles il te dit non je savais j'ai déjà lu on m'a déjà dit لكن il oublie donc l'ignorance c'est le fait de ne pas savoir du tout. An-nisyan, c'est le fait d'oublier après avoir su. Al-Hafid ibn Rajab, rahmatullah alayhi, قال Il arrive un nissien avec un tarif probablement un peu plus clair. An yakun dhakiran li shay fa yansa 'inda al-fi'l. An yakun dhakiran li shay ay 'aliman. Ay il sait que telle chose il ne faut pas la faire مثلاً. Thumma 'inda al-fi'l il oublie. On répète an yakun dhakiran li shay fa yansa 'inda al-fi'l. Ça c'est oublié. Ignorer, c'est le fait de ne pas savoir du tout. هذا الفرق بين الجهل والنسيان. Les deux, c'est des excuses. قال فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيا. هذا سامت الطيب. من أكل في نهار رمضان ناسيا. لا شك أن ce muslim, si tu lui demandes, est-ce que manger durant la journée du mois de Ramadan, c'est permis, il va te dire c'est interdit. Faroubama, où il mange. Mais quand il a mangé, il a oublié qu'il était en train de jeûner. Ah, il n'est pas pris en compte. Il n'est pas pris en compte. قال ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. Faire sortir la salade de son heure, c'est très très grave. C'est min al-kaba'ir. بل بعض العلماء يقولون سمين الكفر صافي سورتير دو الاسلام celui qui délaisse une salade il la fait sortir de son heure عند بعض اهل العلم صافي سورتير دو الاسلام il est obligé de faire tawba et de re-rentrer في الاسلام et de refaire la prochaine salade et بعض العلماء يقولون il rattrape pas la salade là il fait tawba et il fait la prochaine salade il l'a fait الصحيح c'est que c'est une kabira من الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. Celui qui délaisse salat al-asr, faqad habita amalu. Bard al-ulama, ils disent que toutes ces œuvres, elles sont annulées. Et ils prennent ce dalil comme hujja, c'est du kufr. Et al-sahih, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ça annule pas toutes ces œuvres. Fahada, qal man nasiya salatan, fal yusalliha idha dhakaraha. Donc, on disait, délaisser la salat, c'est très très grave, c'est un grand péché. Huna, qal nabi sallam, man nasiya, celui qui oublie. C'est quoi le hal? C'est quoi la solution? Quand il se rappelle, il fait salah. Pourquoi il a commis aucun péché? Il a oublié. Ça arrive. Et dans notre drôle sur Siyam, on avait expliqué le hadith. Celui qui mange nasiyan, quand il se rappelle, il arrête. Quand il se rappelle, il arrête de manger, bien sûr. في هذا الباب كذلك الخطأ كما قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله سبحانه وتعالى dans le verset il a cité un nisyan ou al-khata. فالخطأ c'est comme un nisyan. Il a fait par erreur. Il savait pas. Ça ressemble au nisyan. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Ce verset, il est important via Dalbab, ça nous montre un insan, il est pris en compte quand il fait une chose volontaire. Là, il est pris en compte. Amma, il oublie, ou une erreur, ou il ne savait pas, ou il est forcé. Là, ce n'est pas bien. La preuve, c'est si tu le montres, il regrettera et il ne refera plus cette chose. Là, ça montre qu'il est excusé. Et ça nous emmène au dernier point, l'ikra. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد تعريف مختصر جميل إلزام الشخص بما لا يريد الإلزام ça montre que هذا الشخص il est pas d'accord تلزمه أي tu le contrains à faire une chose وهو لا يريد alors qu'il ne veut pas مثلا واحد il est contraint de délaisser telle chose ou de manger في نهار الصيام نهار رمضان أقصد. Un musulman, مثلا, des ennemis de l'islam, ils le font manger عمدا في رمضان. Au bois. وإلا فإلا فخاب, il le torture. ففي هذا الحال, s'il mange, lâche, il est excusé. قال فمن أكره على الشيء محرم فلا شيء عليه. نعم. أي لا قد إثم. Et هذا لا شك que ça va englober القول والفعل فقط. Amma al-i'tiqad, ils ne peuvent rien te faire. Hada, c'est pour le qawl ou le fi'l. Mathalan, des ennemis de l'islam, ils te forcent à dire une mauvaise parole, à faire une mauvaise chose. La chèque. que via de l'hal, celui qui fait, il est excusé. Amma al-aqida, ce qu'il y a dans le cœur, ils peuvent pas. Maintenant, un kafir, il dit à un musulman, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, je te fais kada kada kada. Il peut pas savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Où? Abadan. Ou il te force à croire telle chose. Que Allah, il a un sharik ou un associé. Ah, il peut pas. Là, je sais que ça sera pour les œuvres et les paroles. قال رحمه الله فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان نعم كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الكفر هنا on a dit c'est pour l'aqwal wal a'mal فمثلا des ennemis de l'islam ils forcent le musulman à insulter Allah c'est du kufr s'il insulte alors qu'il est contraint probablement il risque sa vie, il est excusé. Ou, il est contraint de se prosterner devant une statue. C'est du kufr. As-sujud, c'est l'illah. Azza wa jal. Bien sûr, avec cette condition, il fait cette chose, il est mukrah, il n'a pas le choix, et dans son cœur, il déteste cette chose, et alhamdulillah, c'est un mu'min. Et s'il n'aurait pas été contraint, il n'aurait jamais fait cette chose. Ahada. قال ومن أكره على الترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال مثلا ils l'ont empêché de faire telle chose une obligation une salat ou un siyam ila akhirah quand al-ikrah il est plus forcé ben il rattrape cette salat ou il rattrape ce jour كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه نعم il est enfermé dans un endroit ils lui disent tu fais pas salat il patiente. Quand il est plus contraint, il est libéré. Il rattrape la salat. Exactement comme celui qui dort. Celui qui dort ou qui a oublié une salat. Thumma, il se rappelle. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man nasiya salatan fal yusalliha idha dhakaraha. C'est la même chose pour l'ikra. Man ukriha fa yusalliha idha zala al-ikra. Qala, wa tilka al-mawani'a. Donc on a fini. الجهل والنسيان والخطأ والإكراه. إن لذا ستفي نواقض الإسلام موانع التكليف أو بعضها. قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة. أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. C'est cette règle qu'on a cité. Quand on a détaillé ma yata'allaq bi al-saghir ou al-majnoun. Anna hadhihi al-mawani' al-insan il est excusé fi ma yata'allaq bi haqqillah. Que ce soit délaisser une obligation ou commettre un interdit, il est excusé. Et on a vu que dans certains cas, il doit rattraper. Dans certains cas, il doit rattraper. Dans le cas de l'ikrah, si c'est une salat, elle est sortie de son heure, enfin, il la rattrape plus tard. Et dans An-nisyan wal jahl, on l'a vu que dans certains cas, il doit rattraper. Amma fi haqq al-ghayr, هنا شيخ ابن عثيمين قال amma fi huquq al-makhluqin, وبعضهم يديس في حقوق الغير. C'est la même chose. Ay autre que huquq Allah subhanahu wa ta'ala, في هذا الحال قال لا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. Et on a cité l'exemple avec un bien d'un musulman. مثلا l'enfant de quelqu'un, il te casse ton téléphone. Même si c'est un enfant, même s'il n'a pas fait exprès, il a akhré, c'est ton haq de demander qu'il te rembourse le téléphone, le responsable. Ou un majnoun, il te casse ta voiture ou autre, c'est ton haq de demander à son responsable de rembourser. Et là, si, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il ne l'a pas dit à sahib al-haq, il se coûte. Mais si maintenant le responsable, il te dit, je vais te rembourser ton téléphone, il a akhré, tu lui dis là. Cet enfant, il ne savait pas, il a akhri. Wa anta tatanazzal an haqqik. Anta. Tu ne veux pas qu'il te rembourse, fi hadha al-hal. Fi hadha al-hal, l'amr, il est sahl. Fi hadha al-hal, il ne te rembourse pas. Amma, si tu demandes, haqqul ghayr, il doit être remboursé, la bud. Volontaire, involontaire, huna, le remboursement, il doit être fait. Si c'est volontaire, ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Un remboursement, et tu fais attention, et tu mets en garde contre lui, l'annahu san shirir, la akhri. وإلا فالو رمبورسمون يدوا يتخفى دون تو لي كا والله تعالى اعلم هذا ما يتعلق بهذا الباب النفيس سمن اهم الابواب الاوامر والنواهي سي parmi les chapitres les plus importants ولهذا العلماء يديتاي بعض المسائل في هذا الباب tu en as besoin dans l'ibadat ou al-mu'amalat. On a détaillé walillahi alhamd ma yata'allaq bi al-qa'ida an-nafisa annahu yaqtadi al-fasad. Tu en as besoin dans beaucoup de abwab. كذلك ما يتعلق بالبلوغ والعقل c'est shurut muhimma. Tu en auras besoin dans beaucoup de chapitres fil fiqh. كذلك موانع التكليف. Tu en auras besoin dans beaucoup. Dans le hajj, tu auras besoin fi salat, tu auras besoin fi siyam, l'oubli, tu auras besoin dans la plupart des ibadat, kadhalik dans le mu'amalat. Ces points qu'on a vus ensemble, révisez-les, ils sont très très importants. Et le prochain dars, bi'idnillahi azza wa jal, on passera au chapitre suivant, al-aam wa al-khas. Et kadhalik, c'est un chapitre important. Al-aam wa al-khas, c'est lié à beaucoup de sujets dans le fiqh. من عنده شيء يتفضل أو نكتفي بهذا pour aujourd'hui.